travers elle les douceurs d'un matin, tout juste parfumé de miel. Que la vie doit être belle au creux de l'essaim. Accompagner ses mains jusqu'au sommet de ma belle. Je lui hurle des mots d'amour, mais elle ne m'entend pas. Tu crois savoir d'où tu viens sans savoir où tu vas. Il fait si noir d'où l'on vient que la lumière n'est pas. Je tape et dame tout autour de moi, tout ne m'échappe, et pourvu qu'elle me voie, et pourvu qu'elle me vive, elle me photographie déjà, mais je ne la vois pas. Chaque minute entre nous, même chaque minute à genoux. Tout est devenu si clair, ça y est, je la vois. Tu crois savoir d'où tu viens sans savoir où tu vas. Il fait si noir d'où l'on vient que la lumière n'est pas. N'est pas, non, non, la lumière n'est pas.